conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, d'où viennent les idées ? La légende peut être un peu vraie, raconte qu'Einstein avait commencé à parler tardivement, au point que ses parents s'en étaient inquiétés. On raconte qu'à 9 ans, en dernière classe de l'école élémentaire, il s'exprimait encore difficilement. Il préparait sa phrase longuement, en remuant silencieusement les lèvres, retardait autant que possible l'instant de lui faire franchir le seuil de l'expression, puis tout à coup l'énonçait à voix haute. Einstein lui-même eut l'occasion d'expliquer bien plus tard, à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, la façon particulière qu'il avait de réfléchir. Il le fit dans la correspondance qu'il échangea avec le mathématicien français Jacques Adamar, qui avait donné une série de conférences à Princeton sur la psychologie de l'invention dans le domaine des mathématiques et de la physique théorique. Adamar avançait que les signes sont un soutien nécessaire de la pensée et que le système de signes le plus courant est bien sûr le langage proprement dit. Mais, ajoutait-il, la pensée, lorsqu'elle est inventive, use volontiers d'autres systèmes de signes plus souples et moins standardisés que le langage ordinaire. En retour, ces systèmes ont la vertu de laisser davantage de liberté au mouvement de la pensée qui les produit. Ils permettent ainsi la constitution d'une pensée plus créative, au caractère souvent discontinu et procédant par illumination. Au moment où Adamar mettait la dernière main à l'ouvrage dans lequel il relatait ses analyses, il reçut une lettre d'Einstein. Les mots et le langage écrit ou parlé, y expliquait le père de la relativité, ne semblent pas jouer le moindre rôle dans le mécanisme de ma pensée. Les entités psychiques, qui servent d'éléments à la pensée, sont pour moi certains signes, ou bien des images plus ou moins claires, qui peuvent à volonté être reproduites ou combinées. Les éléments que je viens de mentionner sont, dans mon cas, de type plutôt visuel. Fin de citation. Dans leur stade primitif, les idées d'Einstein étaient donc d'essence non verbale. Elles procédaient de fulgurations phosphorescentes qu'il parvenait ensuite à associer à la rigueur froide de la pensée scientifique. Mais bien sûr, Einstein ne fut pas le seul à avoir des idées, puisque nous en avons tous. Alors posons-nous la question, d'une façon générale, d'où et comment les idées nous viennent-elles ? Pour discuter cette vaste question, j'ai invité Justine Barbier. Bonjour Justine Barbier. Bonjour Étienne Klein. Vous êtes agrégée de philosophie, professeure au lycée Blaise Pascal d'Orsay. Vous enseignez également dans des écoles d'ingénieurs. Et vous avez publié chez Hachette un petit livre, même un gros livre, qui s'appelle « Le petit Larousse des grands philosophes ». Alors, à propos de cette question de l'origine et de la nature des idées, est-ce qu'on peut commencer par tenter d'en donner une définition ? Ou est-ce qu'on ne pourra le faire qu'à la fin de l'émission, à votre avis ? Alors, on peut tenter une définition très succincte, et je pense que les... Bon, parce que finalement, la définition va s'élaborer au fur et à mesure. C'est peut-être bien de commencer par une distinction, et de distinguer une idée d'une opinion, par exemple. Donc, c'est vrai qu'une idée, on l'associe à quelque chose d'original, à quelque chose de nouveau. On veut tous avoir des idées neuves, finalement. C'est une logique de l'innovation. Et on reste... très proche de ce que Freud aussi appelait le narcissisme de la petite différence. On veut une idée rien qu'à soi. Et finalement, je pense que ici, on a affaire à une mystification dans le sens où les idées, elles sont très rarement tout à fait originales. Donc, peut-être qu'on peut définir les idées dans le sens où il y a une paternité à reconnaître et une mémoire. Mais est-ce qu'une idée, c'est quelque chose de banal ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose d'exceptionnel? Je pose la question parce que j'ai parlé d'Einstein dans mon introduction et vous savez que Einstein et Paul Valéry se connaissaient, se sont rencontrés plusieurs fois, ils s'admiraient même. Et un jour, Paul Valéry, qui était persuadé que Einstein produisait des idées à une cadence d'essuie-glace, osa lui poser la question qui lui brûlait les lèvres. Il lui dit, lorsqu'une idée vous vient, comment faites-vous pour la recueillir? Est-ce que vous avez un carnet de notes sur vous? Est-ce que vous l'écrivez sur la nappe? Bref. Et la réponse que donna Einstein à cette question a dû le décevoir, puisque Einstein lui dit, oh, une idée, vous savez, c'est si rare. Oui, ben alors, je pense qu'en effet, c'est intéressant de l'associer quand même à quelque chose d'exceptionnel. Une très bonne idée, c'est rare. Et finalement, le maître, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'enseignement, en effet, qui est mon métier depuis plus de 10 ans. Le maître, finalement, est aussi un élève au sens où il est à l'école des grandes idées, des grands maîtres qui, peut-être, eux, n'ont pas été des élèves et qui se caractérisent justement par le fait d'avoir porté des idées et surtout les avoir exprimées d'une manière particulière. C'est peut-être ça aussi qui fait le caractère exceptionnel d'une idée, c'est la manière de l'exprimer. Donc je tendrai plutôt vers cette idée de l'exceptionnel, et donc on y tient en effet une idée, on veut, lorsqu'on a l'impression de la tenir, un petit peu comme un poisson et avec une canne à pêche, on a besoin, étant donné cet aspect fulgurant, on a besoin de la noter comme s'il fallait dérouler. Mais est-ce que ça veut dire que l'idée est associée à la joie? On parle souvent du mythe d'Eureka, on cherche l'instant de genèse, dans une sorte d'esthétique de l'instant, qui nous pousse à vouloir saisir le moment mythique où l'on passe de l'incompris au compris, oui. De l'obscurité à la lumière. Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce qu'il y a toujours un eureka associé à la fulgurance des idées révolutionnaires? Oui, alors je pense en effet que c'est intéressant que vous disiez ça, parce que on associe souvent l'intelligence au mythe du génie torturé, une espèce de lourdeur, et donc c'est censé aller avec des affects assez négatifs. Et finalement, le travail de ceux qui trouvent des idées va à l'encontre de cela. Je pense par exemple à Schopenhauer, qui parlera des seules joies effectives, des seules joies pérennes, qui sont justement celles de l'intellect. Et je pense que ce moment de Eureka est assez essentiel. En tout cas, on peut, dans la genèse d'une idée, on peut peut-être isoler quatre moments. Enfin, c'est ce qu'on fait classiquement d'ailleurs. Donc déjà une orientation consciente du problème, après une espèce de phase d'incubation où des trésors inconscients vont finalement peut-être émerger. Le fameux Eureka, donc un instant qui se caractérise aussi par une immense certitude. C'est ça finalement les points communs qu'on peut remarquer, c'est l'absolue certitude que la réponse est bonne. Et puis éventuellement une dernière phase de vérification. Mais ce fameux Eureka, c'est évidemment celui qu'a eu Archimède, donc tout le monde connaît effectivement la légende. Hein. Il avait en fait une contrainte forte qui venait du roi Hiéron II. Donc Hiéron II, en fait, c'est le roi de Syracuse, et la légende raconte que une couronne en or lui avait été octroyée, mais il a eu l'impression que finalement elle contenait un alliage. Il avait un doute. Il avait un doute, voilà. Il n'était pas du tout sûr. Il avait l'impression de s'être fait avoir. Et donc Archimède est connu comme l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, à l'époque c'était le cas aussi, et donc il demande à son ami Archimède de lui trouver un moyen pour savoir si la couronne est effectivement uniquement en or. Finalement, l'idée va naître comme ça, c'est ce que raconte la légende, dans ce bain, et Archimède va s'écrier Eureka, donc j'ai trouvé dans ce climat un effet d'intense exaltation. Apparemment, il sort tout nu dans la rue en s'exprimant de cette manière. Et donc, ce qu'il a trouvé, en fait, c'est la fameuse poussée d'Archimède, hein, c'est ça l'idée qu'il a eue. Toute simple, finalement. On peut aussi souligner ça, c'est que les idées, elles naissent de la vie, on trempe sa plume dans l'encrier de la vie, toujours. Et elles naissent de ce bain, d'un contexte de rêverie alors la poussée d'Archimède, c'est quoi? C'est le fait que tout corps plongé dans un liquide va déplacer un volume d'eau. La densité, en fait, est égale au poids du corps multiplié par son volume, et donc il est très facile, quand on plonge le corps dans le liquide, de mesurer le volume qui a été déplacé, et donc ce qui permettra de vérifier qu'en effet, apparemment, la couronne ne contenait pas uniquement de l'or. Mais là, vous donnez un exemple où, en effet, le moment d'Eureka est associé à la joie, mais ne dit pas exactement les mécanismes qui ont conduit à son apparition. Et c'est un peu toujours le cas. Les gens qui racontent leur Eureka ne disent jamais vraiment ce qui s'est passé. Je vais vous donner un exemple, si vous permettez. Oui, bien sûr. André-Marie Ampère, grand savant du 18e et 19e siècle, enfin la moitié des deux, disons, écrit ceci à propos d'une découverte qu'il a faite. Le 27 avril 1802, j'ai poussé un cri de joie. Il y avait 7 ans que je m'étais proposé un problème que je n'ai pu résoudre directement, mais auquel j'ai trouvé par chance une solution que je savais correcte sans pouvoir le prouver. Le sujet me revenait souvent à l'esprit et j'avais essayé 20 fois sans succès. Pendant plusieurs jours, j'avais promené l'idée avec moi continuellement. Enfin, je ne sais comment, je l'ai trouvé en même temps qu'un grand nombre de considérations curieuses et nouvelles concernant la théorie de la probabilité. Donc il y a un avant et un après. Mais on ne dit pas, enfin, il ne dit pas ce qui se passe exactement pendant. Ah oui, mais je pense que finalement, ce sont en effet des processus qui restent opaques à leurs agents, pour vous citer. Enfin, c'est-à-dire que on ne sait jamais exactement ce qui se passe, et c'est en ce sens où il faut rester, dans cette idée de l'étonnement, il y a un mystère très grand, et aussi pour celui qui découvre une idée. Vous citiez cet exemple, mais on peut évidemment penser aussi à Poincaré, par exemple, qui bute sur un problème difficile. Il essaie de résoudre des équations qu'on appelle les équations fuchsiennes. Donc, et Klein. ou kleinienne. Non, les deux. Les deux fauxciennes kleiniennes, d'accord. Les travaux de géométrie algébrique. C'est pas mon domaine, mais il essaie de résoudre ce problème et il bute là-dessus. Il n'y arrive pas. Et finalement, c'est en arrêtant de réfléchir. Donc, les idées définitivement viennent de là où on ne les attend pas. C'est en arrêtant de réfléchir qu'il va avoir la certitude, encore une fois. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des points communs, comme vous le soulignez. Il va avoir la certitude d'avoir la bonne réponse. Il n'a même pas besoin de vérifier. Il n'a même pas besoin de griffonner des notes. Il met le pied sur le marchepied. Donc il décide d'accepter une invitation à faire une petite expédition géologique, justement pour se changer les idées, parce qu'il bute sur le problème. Exactement. Alors, je peux citer cette citation, parce qu'il a donné une conférence à la Société française de psychologie. Mmh. Parce que lui, justement, a essayé de comprendre d'où venait cet instant un peu magique qu'il raconte. Mmh. Il dit ceci: les péripéties du voyage me firent oublier mes travaux mathématiques. Arrivé à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade. Au moment où je mettais les pieds sur le marchepied, l'idée me vint, sans que rien dans mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fonctionnelles étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Je ne fis pas la vérification, je n'en aurais pas eu le temps, puisque, à peine assis dans l'omnibus, je repris la conversation commencée, mais j'eus tout de suite une entière certitude. De retour à Caen, je vérifiais le résultat à tête reposée pour l'acquis de ma conscience. Comment ça se fait que l'Eureka, Justine Barbier, soit toujours associée à la certitude qu'on a raison? Je pense que c'est lié à un profond paradoxe, c'est-à-dire à la fois ce sont des gens qui travaillaient énormément et qui travaillaient en prenant ça comme un jeu aussi. Je pense par exemple à Karim Ellis qui raconte que dans sa voiture il jouait à agencer des oligonucléotides. Donc ce sont des gens qui en fait sont dans un climat, dans une atmosphère, ils sont tombés dans la potion magique quand ils étaient petits, ou en un sens ils prennent un plaisir permanent à faire cela. Et, en tout cas, il y a un travail antérieur. Voilà, il y a un travail antérieur. Il y a cette atmosphère là, et puis finalement, donc en effet d'un seul coup, fulgurance. Donc je pense que ces deux étapes, ces deux opposés sont à comprendre ensemble comme nécessaires l'un et l'autre. On ne voit que la fulgurance. D'ailleurs, dans sa conférence, Poincaré utilise le mot inconscient, qui est du droit tout neuf à l'époque. Il dit: ce qui frappera tout d'abord, ce sont ces apparences d'illumination subite, signe manifeste d'un long travail inconscient antérieur. Le rôle de ce travail inconscient dans l'invention mathématique me paraît incontestable. Oui. Mais je pense que c'est effectivement le cas. Il faut reconnaître l'immense importance de l'inconscient. C'est-à-dire, oui, je pensais à ça. Et pourtant, les psychanalystes comme Freud ou d'autres ne sont pas vraiment intéressés à cette question de la jeunesse des idées. Alors, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, je renvoie aux travaux de Lionel Lacage, on peut dire que la conscience est avant tout inhibitrice. Il faut pas oublier ça. C'est-à-dire que, bon, on a tendance à associer l'idée, justement, à l'idée consciente, mais il ne faut pas oublier cet aspect inhibiteur. Et finalement, le moment comme ça où on pense à tout à fait autre chose, il peut être caractérisé comme une manière d'inhiber une inhibition. Et c'est à partir de là qu'une boîte de Pandore émerge, et on est surpris par cela. Mais les exemples sont tellement nombreux de cette idée qui va naître de l'inconscient. Des exemples d'ailleurs pleins de paradoxes. Par exemple Descartes qu'on associe évidemment à l'idée du cartésianisme et de la rigueur, etc. Descartes avoue avoir eu l'intuition du discours de la méthode au cours d'un rêve. Donc c'est très frappant tout cela. Donc l'idée advient quand la pensée se relâche. L'idée advient quand la pensée se relâche. L'effort crée l'obstacle. L'effort permanent crée l'obstacle. C'est-à-dire que je pense que c'est très important, au même titre que Nietzsche expliquait qu'on a besoin de se souvenir et d'oublier. On a besoin de nuit et de jour. La nuit, c'est l'oubli, et le jour, c'est la mémoire. On peut peut-être dire ça. Eh bien, de la même manière, on aurait besoin d'un effort permanent. Un effort qui caractérise l'esprit. Je pense que c'est vraiment une très belle définition de l'esprit comme réalité capable. C'est Bergson qui dira ça. Réalité capable de tirer d'elle-même plus que ce qu'elle ne contient. Et puis en même temps, un moment où on accepte de s'abandonner totalement. Donc vous serez d'accord pour dire que notre cerveau n'est pas un ordinateur. Et pourtant, vous avez choisi comme premier morceau de musique un morceau intitulé Microprocesseur. Oui, microprocesseur, vous allez le voir, ça ne s'écrit pas comme vous le pensez, et ça n'a rien à voir avec les ordinateurs. On y reviendra, on va commencer par l'écouter. Elle ventile. J'entends son souffle. Ça fait quelque chose à l'écran ? Mais toujours rien. Volume à zéro, plus aucun pixel. À l'imprimante, j'ai l'impression que tout est verrouillé. C'est sûrement un bug de l'unité centrale. Vous avez une idée du mot de passe ? Docteur! Docteur! l'écran de veille dans tes yeux bleus, court-circuit imprimé sous tes cheveux, une faute de frappe et puis s'en vont, plus de réseau, plus de connexion. Morphine administrée à l'administrateur, passons le corps au scan pour voir les erreurs. On ne peut annuler, non réparer peut-être. Appareil surchauffé, indique le thermomètre. L'informatique du corps est sous tension, du tableur à la table d'opération. Ces hommes excellent et leurs calculs sont justes, mais le disque dur se raye au moindre geste brusque. Sous ta couverture, ne regarde pas ces fils électriques en point de suture. Quand soudain à l'écran y'a quelque chose qui bouge, tu souris doucement et le clavier me touche. Je peux lire dans tes yeux, rien n'est plus pareil. Sur le bureau du cœur, aurais-tu vidé la corbeille? Mais fais le tri dans tes dossiers et surtout prends ton temps. Non, tu n'as pas pu tout effacer dans l'historique de ton enfance. Au clavier sous tes doigts, les lettres ont toutes bougé. L'orthophoniste va t'aider à les replacer. Les souvenirs te reviennent, démarrer, rechercher, tu cliques. La mémoire se promène, nouvelle fenêtre, nouvelle vie. De la carte mère à la puce, rééduquée en haut débit avec un bon antivirus. Mais parle-moi de tes doutes, tes envies, tes peines et tes coutures. Ne regarde pas ces fils électriques en point de suture. Alors mais tes amours, tes ennuis, tes projets, ton futur. À présent que tu vois le fil de ta vie avec un point de soutien. Justine Barbier, Microprocesseur, une chanson écrite et chantée par David Bécard. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que je trouve qu'il a une voix pleine d'émotions, pleine d'amour finalement. Ce choix aussi parce que c'est quelqu'un, alors c'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir de rencontrer et qui avait tout le temps des idées nouvelles. C'est quelqu'un qui travaillait énormément et oui, il travaille en fait, il finit une thèse en géobiologie et donc. Il est scientifique donc. Voilà, c'est un scientifique mais qui laisse beaucoup de place pour les émotions. Ça, je pense que ça peut s'écouter, ça, on peut l'entendre à sa voix. Et donc, il y a un rapport entre les idées et l'émotion? Oui, alors j'aime bien dire cette phrase à mes élèves en début d'année. Je commence souvent par ça. J'aime bien leur dire une phrase toute simple qui est aussi une manière de jouer avec les mots, mais pas seulement. La raison raisonne. Et je trouve que c'est important. Comment vous écrivez raison? Justement, voilà, raisonner au sens de la résonance, au sens d'une musique, au sens de quelque chose qui fait écho. Et je pense que c'est important de comprendre que on apprend tellement mieux lorsque quelque chose vibre, lorsque quelque chose fait justement. Produit cet écho. Alors, les recherches en neurosciences vont dans ce sens hein, et montrent en effet à quel point une émotion positive ou négative d'ailleurs, une émotion positive va faciliter l'apprentissage. C'est vrai que c'est Locke qui disait que dès qu'il y a une sensation, il y a une idée. Donc il allait extrêmement loin dans cette association. Finalement, peut-être qu'on peut garder un espace vierge de toute émotion pour la rationalité. Mais je pense que c'est intéressant de permettre que les deux se rejoignent. Mais pour revenir à l'inconscient dont on parlait tout à l'heure à propos de Poincaré, est-ce qu'on a le droit de penser qu'il serait une sorte de magma dans lequel s'agit en permanence des idées atomiques qui de temps en temps percole dans la conscience, résonne avec la pensée, disons, et le créateur serait celui qui sait les saisir et les ordonner. Oui, je pense que le créateur, il est profondément en lien avec son inconscient, il l'explore, il a compris la richesse de cela. Et finalement, c'est la richesse dont nous parle Platon, en fait. Je pense que c'est extrêmement... Enfin, il me semble important de revenir sur ce dialogue qui s'appelle le Ménon, dans lequel il insiste sur l'idée que... Qu'en effet, les idées, on les a toutes contemplées et on les porte toutes en nous, dans un certain sens. On peut peut-être rappeler l'expérience que raconte Platon dans ce livre. Oui. L'exemple, vous voulez l'exemple dire, de l'esclave qui est ignorant et auquel Socrate... Alors, c'est toujours bien les exemples, en effet, pour comprendre. Donc, l'esclave, c'est un esclave qui n'a jamais, assisté à des cours de mathématiques. Et une question va lui être posée. Un problème finalement assez exigeant. Il s'agit en fait d'une application du théorème de Pythagore. Le problème consiste à tracer un carré dont l'aire soit le double du carré initial. Et finalement, alors il va être guidé évidemment par des questions qui vont l'orienter, mais il va répondre à ce problème et il va trouver la bonne réponse. Donc la bonne réponse en fait, c'est la suivante. Il s'agit de tracer le carré à partir de la diagonale. Et donc Platon va prendre cet exemple avéré hein, comme la preuve de sa théorie. C'est-à-dire, pour lui, l'esclave est la preuve que les idées, on les porte toutes en nous, qu'elles sont en effet présentes, qu'on les a toutes contemplées. Ce ciel intelligible, finalement, n'est parce pas... Parce que l'âme est éternelle, elle a connu oui, les idées intelligibles. Oui, exactement, c'est rattaché à la métempsychose. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce ciel intelligible dont on entend parler quand on parle de Platon, le beau, le vrai et le bien, bah, finalement, il est aussi immanent. Il est aussi ce magma dont vous parliez. Mais pour Platon, savoir, c'est-à-dire avoir une idée, finalement, c'est se souvenir. Voilà, savoir, c'est se souvenir. Donc on ne découvre jamais rien. C'est pour ça que la raison résonne. On ne découvre jamais rien et on attend du maître qu'il soit un maillotte. C'est-à-dire, on attend du maître qu'il permette à l'élève de découvrir cette richesse intérieure, de découvrir ce savoir qu'il porte au fin fond de lui-même. Parce qu'il y a une distinction importante à faire. C'est quelque chose peut être au cœur de soi-même sans qu'on y ait accès. Au cœur de soi ne signifie pas la facilité d'accès. Et donc toute la question devient... Comment accède-t-on à cela? Mais qu'est-ce que vous pensez, Justine Barbier, du brainstorming? Est-ce que ça sert à quelque chose? Vous passez du coq à l'âne. Oui, mais justement, il y a une sorte d'injonction dans beaucoup d'endroits pour produire des idées. Oui, oui. Comme si ça pouvait se déclencher volontairement. Tout à fait. Mais alors, une injonction occidentale, parce que finalement, il faut rappeler qu'en Chine, le contexte est extrêmement différent. On n'est pas et très paradoxalement, la Chine est pourtant le pays qui, par exemple, en 2011, a déposé le plus de brevets. Donc, vous voyez, c'est paradoxal. Ils sont nombreux. Oui, c'est sûr, mais je pense que c'est aussi lié. C'est aussi lié au fait que finalement, en Chine, on ne court pas après l'innovation. Si vous voulez, c'est ce que disait Merleau-Ponty, la volonté de dormir empêche de dormir, la volonté d'innover empêche d'innover finalement. Et donc, on ne court pas après l'innovation parce que on considère que le sage ou le penseur ou celui qui a des idées est là pour les révéler encore une fois. Elles sont présentes. Et il s'agit de découvrir vraiment au sens grec, au sens de ce que les Grecs appelaient l'aletheia, enlever un voile sur quelque chose qui est déjà là. Il n'y a rien à inventer finalement. C'est peut-être pour ça hein, que Confucius disait le sage est sans idée. Il n'y a rien à inventer, il y a juste à découvrir. Et cette découverte est absolument passionnante. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on ne découvre pas pour la première fois donc, par définition, des idées radicalement nouvelles? Alors, vous me faites penser... Si je pense, par exemple, oui. Je ne connais pas votre domaine, celui de la philosophie, mais en physique, il y a quand même des gens qui, dans les années 20, ont eu des idées absolument incroyables pour fonder ce qui allait devenir la physique quantique. Oui. Et quand on regarde ce qu'ils racontent, on voit que ces idées sont nées dans des contextes très très différents. Par exemple, Schrödinger a trouvé son équation éponyme en partant 15 jours en vacances avec l'une de ses maîtresses. Et il dit qu'il a trouvé cette équation à l'issue d'un épisode érotique, fulgurant et tardif. C'est pas du tout la même expérience que Poincaré avec son marchepied de l'omnibus. Bah, est-ce qu'il y a toujours besoin d'un espèce de décalage par rapport à la routine pour que l'idée surgisse? finalement, vous dites qu'il n'y a pas tant de points communs, mais les points communs, c'est finalement toujours que les idées viennent de là où on ne les attend pas. Donc, par exemple, en effet, un lit, cet épisode érotique auquel vous faisiez référence, sous un arbre pour Newton, dans un bain pour Archimède, dans une voiture pour Karim Ellis, dans une salle de cinéma pour François Jacob et Jacques Monod. Oui, mais on est toujours quelque part. On est toujours quelque part, bien sûr. C'est pour ça que je voulais vous répondre en citant. Alors, je crois que c'est ma phrase préférée, en fait. Hannah Arendt écrit cette phrase merveilleuse, elle dit « Le courage, c'est de prolonger la naissance. » Et alors finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'originalité, elle peut naître à chaque instant. Ça veut dire qu'il y a de la place pour l'originalité déjà d'un regard, et l'originalité de quelqu'un qui s'émerveille, et l'originalité de quelqu'un qui arrive à tout voir comme absolument nouveau et absolument inouï. Et je pense que c'est important de parler de ça, parce que les idées, elles naissent de notre propension à s'émerveiller, de notre propension à prolonger la naissance. Je vais la redire, cette phrase, parce que vraiment, je l'aime beaucoup, ce courage donc de prolonger la naissance. Et c'est pour ça que finalement, une idée, ça naît d'autres idées, déjà, il faut le souligner, mais ça naît aussi de notre ouverture aux idées en dehors des sentiers battus, aux idées qu'on pourrait considérer comme totalement impossibles. Ils ne savaient pas que c'était impossible, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. N'oublions pas cela aussi. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a des idées abstraites ? Ou est-ce que toute idée est forcément portée par quelqu'un, incarnée d'une certaine façon ? Ah, bien sûr, je pense que l'abstraction existe, mais l'abstraction n'est peut-être pas exactement ce qu'on croit. C'est-à-dire que l'abstraction, elle garde... Pensez à ce que dit Platon de la métexis, on a parlé tout à l'heure du ciel intelligible. Notre réalité concrète... Enfin, participe toujours de ce ciel intelligible. Il y a toujours un lien entre les deux. Donc, la chose abstraite reste toujours susceptible d'être attachée à l'exemple, mais l'abstraction existe. Et en effet, ça se travaille, les capacités d'abstraction. Bachelard, qui est souvent cité à cette émission, disait que faire de la science, c'est penser contre son cerveau. Oui. Ce qui est une phrase un peu bizarre, puisque quand on pense avec son cerveau, mais il arrive qu'on produise des idées qui vont à l'encontre de ce qu'on pense traditionnellement. On est bousculé par sa propre pensée. Oui. Est-ce que c'est des choses qu'on peut expliquer, qu'on peut illustrer ? Ben, on parlait là d'ouverture aux idées, sous-entendu. Oui, je pense qu'il faut accepter d'avoir tort pour avoir des idées. Et en effet, Bachelard, pour reprendre ce que vous disiez, écrivait également que la science, plus généralement, fonctionne malgré l'évidence. L'évidence nous trompe. Il y a quelque chose de fascinant dans l'évidence, mais en même temps, elle nous trompe. Elle n'est pas la bonne direction. Et finalement, ceux qui ont vraiment eu des idées intéressantes, ce sont ceux qui ont accepté de se dire qu'ils se trompaient, de se dire qu'ils étaient trompés ou qu'ils se trompaient. Hein, c'est le fameux doute. Cartésien. Donc, laisser de la place pour l'inouï, pour quelque chose d'absolument nouveau, pour quelque chose auquel ils ne s'attendaient absolument pas. C'est pour ça que finalement, les créateurs en la matière, sont aussi spectateurs de leur idée. Hein, c'est Montaigne qui dit « j'ai fait ce livre autant que ce livre m'a fait ». C'est Alain qui dira que l'idée vient ensuite, après ce travail de la matière. Donc, on est toujours un petit peu... spectateur, et ça revient à l'énigme dont on parlait tout à l'heure. Alain dit aussi, ouais. Le philosophe Alain dit aussi, penser c'est dire non. Penser c'est dire non, et la science. C'est par croire que les hommes sont esclaves. Mmh. Réfléchir, c'est nier ce que l'on croit. Qui croit ne sait même plus qu'il croit, qui se contente de sa pensée ne pense plus rien. Oui, et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, l'esprit comme réalité capable de tirer d'elle-même plus que ce qu'elle ne contient. Penser, c'est dire non aussi au sens où les pensées ne sont pas là, non pas pour unique vocation, je pense, de s'aligner sur le réel. Et je pense aussi à un très beau texte d'Alain aussi, où il disait il y a croire et croire, sous-entendu croire et être fasciné par la réalité, par l'évidence qui s'offre à nous, et puis aussi croire au sens d'une idée qui mène le monde, au sens d'une valeur, au sens de quelque chose qui en effet n'existe pas, qui n'a de réalité que comme idée, mais comme idée qui va finalement avoir un pouvoir créateur. Voilà. C'est-à-dire que l'idée ne constate rien, mais invente. Et là, on redonnerait du sens à l'idée d'invention. Mais je le disais en introduction, Justine Barbier, au moment de vous présenter, vous êtes professeure de philosophie. Est-ce que vous êtes convaincue par le mais non ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que, devant des élèves qui ne savent pas ce que vous savez, il est possible, par une sorte de discussion argumentée, de leur faire découvrir des vérités ou des connaissances ou des idées qui peuvent être beaucoup plus complexes que ce qu'ils savent déjà ? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez l'impression que quand ils apprennent quelque chose, ils se souviennent qu'ils ont su ce qu'ils savaient? Bon, je pense que vous me posez une excellente question. C'est difficile d'y répondre, mais alors, convaincu par le menon, oui. C'est-à-dire que cet arrière-plan, je le trouve très intéressant. Évidemment, il y a tout un ensemble de symboles et il n'est pas question de prendre à la lettre tout cela. Mais le symbole, donc, c'est le fleuve de l'oubli. Je le rappelle, hein, on est censé avoir bu aux eaux de ce fleuve, le fleuve du l'été, et avoir tout oublié. Donc, je pense que je peux répondre oui, que je le constate. C'est-à-dire que arriver avec un savoir tout prêt et puis considérer les élèves comme des vases à remplir, je pense que c'est pas du tout un paradigme qui fonctionne. Et à partir du moment où déjà vous décrivez cette idée de maïeutique et où vous y donnez vraiment du sens, quelque chose apparaît. Finalement, on se rend compte que même... Alors, vous me posez une question que je trouve vraiment intéressante, parce que les classes qui m'ont laissé les plus beaux souvenirs sont finalement les classes qui ont fait pleurer les collègues, qui étaient des classes où, a priori, la philo, c'était pas pour eux. Et en fait, finalement, il y a eu beaucoup de choses qui sont... Et vous partez des questions qu'ils vous posent, ou vous essayez de faire naître en eux un questionnement qu'ils découvrent? Les deux, ça peut être des questions qu'ils me posent. Les élèves sont extrêmement différents. Certains ont vraiment ce sens des questionnements, et je leur dis souvent d'ailleurs que le bon élève en philosophie, c'est celui qui arrive à saisir la question essentielle. On fait aussi naître un questionnement, bien sûr, par ces mythes, par toutes ces références, par cette révérence aux références. J'aime bien leur dire ça. On travaille de façon très différente, de toute façon. Mais je pense qu'il est important aussi... parce que, bien sûr, maïeutique ne veut pas dire qu'aucune référence ne va être utilisée. Ça veut juste dire comment... Ça questionne sur comment elle va être utilisée. Et finalement, quand on arrive avec Platon, avec la réminiscence, bon, c'est d'ailleurs une mise en abîme qui est faite. Toute la question, c'est voilà, quel écho ça fait. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors, j'ai parlé beaucoup d'exemples de scientifiques. Justine Barbier, vous connaissez mieux l'histoire de la philosophie. Est-ce que beaucoup de philosophes racontent dans leurs écrits ou autrement, comment leurs idées principales leur sont advenues? Est-ce que c'est... On considère que ça fait partie du métier d'avoir des idées, ou est-ce que à chaque fois c'est quelque chose qui est singulier, qui mérite d'être raconté et qui est une sorte d'expérience philosophique en soi? Oui, alors en effet, ça fait partie du métier. Je ne sais pas s'ils le racontent vraiment, peut-être parce que justement, ça fait tellement partie du métier qu'on ne le raconte pas vraiment. Alors, je pense à Flaubert, par exemple, qui disait qu'il fallait vivre suffisamment pour pouvoir écrire. Donc les idées, encore une fois, elles naissent, on est un petit peu otage de l'expérience. Je pense à Nietzsche qui, au sein du Gai Savoir, expliquait qu'il n'était pas sûr... Que ce livre contient de vécu puisse être compris par des gens qui n'étaient pas passés par une expérience analogue. Donc je pense que le philosophe, c'est celui qui vit beaucoup avant tout et qui extrait quelque chose de ses idées. Et je vois pas vraiment de différence entre la science et la philosophie ici. Dans les deux cas, on a une veine créatrice très forte et peut-être un rapport plus libre au travail. Bah, si vous permettez, je connais un exemple où, oui, il y a un moment d'eureka chez un philosophe, Clément Rosset, qui prétend, oui, n'avoir eu qu'une seule idée, et il raconte la genèse de cette idée. J'aime beaucoup ce philosophe. Oui. Donc, je le cite, « Tout s'est joué en moins d'une minute. Ma découverte philosophique centrale, celle que je développe de livre en livre depuis 35 ans, m'est apparue en un éclair lors d'un éblouissement. Soudain, j'ai compris que l'essence même du réel, c'est de ne pas avoir de double. Il est dans la nature du réel d'être absolument singulier. Toutes les représentations que nous nous faisons du réel, les rêves que nous en avons, les ombres que nous croyons y déceler ne sont que des fantômes ou des déformations. C'est un soir, à la fin du mois de février, ou peut-être au début du mois de mars 1974, que cette idée s'est imposée à moi. Je devais me rendre chez des amis pour dîner sur les hauteurs de Nice, je me préparais à sortir, j'étais pressé, et écoutais d'une oreille distraite la voix d'un commentateur de France Musique qui présentait l'opéra Oedipe. Ce commentateur rappelait sous forme condensée l'argument de la pièce de Sophocle. Il évoquait notamment ce passage où Œdipe apprend la prédiction de l'oracle de Delphes le concernant. Sur le champ, Œdipe décide, pour échapper à son destin, de quitter le roi et la reine de Corinthe, qu'il croit être ses parents et qui en vérité ne le sont pas. C'est donc ce mouvement, cette volonté d'échapper à l'oracle qui le précipite dans le malheur et l'amène à tuer le roi de Thèbes, son véritable père, et à se marier avec la reine de Thèbes, sa vraie mère. Quand j'ai entendu cette histoire, que je connaissais déjà, mon oreille s'est dressée comme celle d'un chien aux aguets. Bon Dieu, quel imbécile! Il n'aurait jamais dû quitter Corinthe, me suis-je dit. Mais je me suis rendu compte aussitôt que je nageais là en pleine illusion, que je me mettais à penser que les choses pourraient être autrement qu'elles sont. Au fond, ma découverte du moment se résume en une seule formule. Ce que nous prenons pour une version perverse de la réalité est le réel même. Le vertige qu'il y a dans une telle pensée, si l'on se donne la peine d'en tirer toutes les conséquences, m'occupe encore aujourd'hui. Mmh. Et il arrive chez ses amis, qui l'ont invité à dîner, et leur dit, en les saluant, « J'ai été visité par le génie de la philosophie. » Est-ce qu'il y a un génie de la philosophie, Justine Barbier, à votre avis ? Est-ce qu'il y a un génie de la philosophie ? Je répondrai évidemment à votre question, mais c'est intéressant que vous citez cet ouvrage, parce que en fait, c'est le cadeau, vous citez le philosophe et le double, c'est ça ? Le réel et son double. Le réel et son double, pardon, oui. Et donc, c'est un cadeau qu'on m'a fait, j'avais beaucoup aimé ce livre. Alors finalement, génie de la philosophie, ben... Si vous voulez, cette idée que le réel n'a pas de double, on la retrouve chez Leibniz. En fait, donc il n'y a pas de génie au sens de l'inouï, au sens de la nouveauté totale. Parce que finalement, Leibniz, quand il parle du principe des indiscernables, il dit exactement ça. Mais il y a peut-être un génie au sens déjà de ce vécu de la découverte. Je pense que c'est important de dire, voilà, le génie, c'est de prolonger la naissance. C'est-à-dire de se dire, je recite une troisième fois Anna Arendt, mais je pense qu'elle est vraiment impressionnante, cette phrase. Il y a un génie au sens de ce vécu de la nouveauté. Mais sinon, l'idée en elle-même n'est pas nouvelle. Leibniz explique que deux flocons de neige, on n'en trouvera jamais deux identiques. Et c'est en effet peut-être une loi profonde du réel, une loi intangible, que celle de ne pas contenir deux choses identiques. Même deux choses qui apparaissent identiques ne le sont jamais. Donc c'est la raison pour laquelle il faut créer. Voilà. Cela veut dire qu'une idée très simple, presque banale, peut avoir un effet fulgurant. Oui. Dans un esprit préparé. Bien sûr. Et les le réel idées, n'a les... pas le double. Ce qui est ce qui n'est pas. C'est une idée simple, mais elle peut produire une œuvre colossale, voilà, comme celle de Clément Rosset. Mais si vous voulez, un autre exemple, si je puis me permettre, j'ai beaucoup cité Albert Einstein, mais il a dit lui-même que l'idée la plus heureuse de sa vie... était la plus simple. Elle est très simple, il l'a eue en 1907. Il était au bureau des brevets à Berne, assis sur son tabouret au retour d'un déjeuner. Il a fait une rêverie semi-éveillée, il a laissé son esprit partir tout en le laissant sous contrôle. Et il a compris ce jour-là, dit-il, qu'une personne qui est en chute libre ne sent pas son propre poids. Oui. Ce qui est une sorte d'évidence, puisque quand vous tombez, les objets qui tombent avec vous tombent comme vous. Votre portefeuille tombe comme vous, à la même vitesse, et donc par rapport à vous, il ne tombe plus. Donc la gravité qui vous fait tomber est supprimée par le fait de tomber. C'est une idée qui n'est pas une invention, c'est une idée qui est en fait une traduction des équations de Newton, mais elle a provoqué en lui une très grande émotion, et l'a mené, dit-il, 8 ans plus tard, vers une nouvelle théorie de la gravitation, qui s'appelle la théorie de la relativité générale. Donc c'est une idée simple, que personne n'avait vraiment verbalisée avant lui, mais qui était déjà là, sous le regard des physiciens qui ne la voyaient pas. Et lui en a tiré toutes les conséquences sous la forme d'un principe tout simple, qui est le principe d'équivalence. Mais d'ailleurs, ce que dit Einstein, c'est que finalement, la science va vers plus de simplicité. Je me rappelle dans ce livre qu'il a écrit avec Infeld, L'évolution des idées en physique, il explique qu'on attend le physicien qui produira une vision du réel plus simple. Donc ça peut nous sembler étonnant, c'est sûr que ça peut sembler très paradoxal dans cette époque qui confond progrès et complexité, qui veut toujours plus de ramifications, alors que finalement, les idées bonnes, elles sont simples. On a vu les contextes finalement très simples de leur émergence, et c'est surtout voilà la confiance dans la simplicité. Je pense que c'est important. Et vous disiez tirer toutes les conséquences, c'est une manière de vraiment tenir à quelque chose. Donc c'est là que les affects reviennent et comprendre à quel point il faut jamais lâcher le morceau. Il faut aller au bout de l'idée. Si on se contente d'une idée simple, on va jamais très loin. Il faut et puis, en tirer simple, les implications. Ça veut dire quoi ? Ça veut aussi dire, rappelons-nous de ce que dit Platon dans le Ménon. Il explique que les idées sont toutes apparentées entre elles. Ça veut dire qu'il y a un dénominateur commun, et ça veut dire que finalement l'immense complexité qu'on constate peut peut-être être rattachée en dernière instance à quelque chose de simple. Mais quand on demandait à Einstein à la fin de sa vie d'où vient, selon lui, qu'il a été le premier à trouver la théorie de la relativité, oui, il raconte. Il raconte que ça a été grâce à son retard mental. C'est-à-dire qu'il s'est posé des questions d'enfant, dit-il, relatives à l'espace et au temps, des questions qu'en général on résout dans l'enfance. Sauf que lui, à cause de son retard, les a posées alors qu'il avait un cerveau d'adulte. C'est intéressant ce que vous dites parce que je pense en effet que les idées naissent des échecs. Je pense que c'est important de souligner ça. J'ai pas dit qu'Einstein était en échec. Non, mais vous dites retard mental. Oui, pardon. Mais alors, si vous voulez plus l'idée d'un handicap ou alors, oui, pas un échec, mais une difficulté, un handicap. Hein. Un écart, c'est ça. Et ça me fait penser à Rousseau, qui est un philosophe que j'aime beaucoup. Et Rousseau, il a ses textes les plus flamboyants sur le désir naissent encore une fois de cet écart entre lui et son désir, d'un échec, c'est pour ça que j'avais le mot échec en tête, c'est-à-dire d'un échec amoureux, il est conduit et il écrit « Malheur à qui n'a plus rien à désirer ». Il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède, on jouit moins de ce qu'on obtient que de ce que l'on espère et l'on est heureux qu'avant d'être heureux. Donc texte extrêmement inspiré qui va avoir sa source dans la souffrance finalement. Alors vous parliez de retard mental, peut-être je ne sais pas si Einstein en a souffert, mais c'est important de dire ça, c'est que bien sûr il y a cette joie créatrice, mais il y a peut-être aussi à reconnaître une certaine souffrance. C'est ce que disait il y a un très beau vers ici. Je ne me rappelle plus de l'auteur. Il va vous revenir, puisqu'on va passer le second morceau de musique que vous avez choisi, du même auteur que le premier, David Bécard, pour un morceau intitulé « Verbe au souffle rouge ». Étouffé entre vos seins. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Les mains d'un autre corps auraient asséché ses envies. Madame est un trésor convoité par des bandits. Se pourrait-il, monsieur, qu'un autre vive entre ses reins? Depuis peu, elle va mieux. Grâce à moi, je n'en sais rien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Horaire volatile, la caresse rugueuse, un sourire fragile quand nous parlons de ces heures creuses. Les arts de mes pensées, les jours se fuient mais nous pâlissent. Un reste ce baiser pendu au col de sa chemise. Détrompez-vous, si des verbes au souffle rouge s'extra-conjuguent entre vous. Bon nombre d'adultères sur les sentiers de la tromperie. Quand Mr. Hyde s'envoie en l'air, Dr. Jekyll se prend de folie. Et vous, bande de salauds qui bandez plus que vous n'aimez, on vous pardonnera s'il le faut. Tout le monde peut se tromper. Christine Barbier, vous avez choisi donc un deuxième morceau de David Bécard, Verbe au souffle rouge. J'ai beaucoup aimé ce morceau, mais j'ai pas vu le rapport avec le sujet. Il y en a un. Alors, il peut toujours y en avoir. Il se trouve qu'en fait, David a fait ce clip. Enfin, j'ai assisté au tournage du clip et j'ai vu comment les idées étaient nées. Donc ça a été assez intéressant. Et puis, je pense que vous disiez tout à l'heure, penser c'est dire non. Et donc, il y a une espèce de cri dans cette chanson. Il bande plus qu'il n'aime. Enfin, c'est ce qu'il disait. Et donc, je pense qu'aussi, il y a une idée derrière. Il y a une manière de dire l'importance de l'amour, voilà. Bon. Bon, donc on va trouver un raccordement au sujet. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'idée et l'étonnement? Est-ce qu'on dit toujours que la philosophie naît de l'étonnement? Est-ce que c'est vrai pour la jeunesse des idées? Ou est-ce que ça n'est vrai que pour l'élaboration des systèmes philosophiques une fois achevés? Oui, alors on en a déjà parlé. Est-ce que je peux simplement, on va le reprendre, mais est-ce que je peux simplement reprendre Théophile Gautier? Bien sûr, c'est le poète que vous cherchez tout à l'heure. Je cherchais ce nom tout à l'heure, donc Théophile Gautier qui disait le poète est ainsi sur les limbes du monde. Lorsqu'il est sans blessure, il garde son trésor. Il faut qu'il ait au cœur une entaille profonde pour épancher ses vers. Divine larme d'or, voilà, c'était juste pour garder... la phrase. Alors, en ce qui concerne l'étonnement, oui, on l'a brièvement évoqué tout à l'heure. Je pense que c'est essentiel pour avoir des idées et pour les considérer comme neuves. S'étonner en permanence et reconnaître que le réel, comme le dit si justement Clément Rosset, n'a pas de double et que tout est toujours nouveau et que tout s'offre à nous. Et qu'il n'est pas la bureaucratie des apparences. La bureaucratie des apparences et que dans l'apparence, voire dans l'apparence, toute la profondeur aussi, hein, superficielle par profondeur et toute la merveilleuse beauté des surfaces. Il me semble que c'était un sujet de bac pour les profs de 2017 dans les classes littéraires. C'était observer suffit-il pour comprendre. Oui, mais en tout cas, ça rejoint Nietzsche qui parle de ce calme qui lui apparaît. Et c'est donc il parle de cette surface multicolore, la mer face à lui, sa surface, son épiderme multicolore tendre et frissonnant, jamais auparavant. Pareil, modestie de la volupté, et voir dans les apparences autre chose qu'elle. Einstein, qui est ma référence en la matière, disait, il s'est un peu contredit sur le sujet à plusieurs reprises, mais il a dit une fois que les concepts sont librement inventés et ne peuvent en aucun cas être dérivés des lois de notre activité mentale. Mmh. Est-ce que les neurosciences, vous les avez un peu citées tout à l'heure, vous intéressent? Est-ce que sur la jeunesse des idées, vous pensez qu'elles ont des choses à nous apprendre? Christine Barbier. Bien sûr, mais je reste très fidèle à Bergson, c'est-à-dire l'idée que il faut être extrêmement prudent et l'idée que on peut évidemment découvrir des propriétés cérébrales, mais en un sens, on ne dira jamais l'intégralité de la pensée à partir du cerveau. Je pense que c'est important de garder ce paradigme dans la recherche. Mais est-ce que les idées sont produites par notre système cognitif et nous les projetons sur le monde, ou est-ce que les idées viennent du monde Ce qui me gêne un peu dans les neurosciences, c'est le paradigme qu'elles ont. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a trop facilement cette idée que la pensée est une production cérébrale. C'est un produit du cerveau au même titre que le foie sécrète la bile. Et je trouve que ce qu'il y a d'intéressant en philosophie, c'est d'introduire un doute. C'est-à-dire de dire, peut-être que finalement, plutôt que d'émettre des pensées, le cerveau pourrait aussi les recevoir. Et être l'organe qui les traduit. Vous voyez, donc ce paradigme me dérange un peu, mais bien sûr que cette discipline est extrêmement intéressante. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot, Justine Barbier, sur la vie des idées? Quand une idée apparaît, quand elle est racontée par son auteur, si j'ose dire, ou celui qui l'a reçue, comment est-ce qu'elle est reçue en fonction du climat général? Est-ce que on peut comprendre le système des oppositions? Qu'est-ce qui fait qu'une idée circule, est reprise, ou au contraire, est laissée de côté? Oui, alors... Il y a des mauvaises idées, on parle des idées comme si elles étaient toujours bonnes. Oui, elles ne sont pas toujours bonnes. Il y a des mauvaises idées, il y a des idées pas du tout originales. Est-ce qu'il vaut mieux avoir de mauvaises idées ou ne pas en avoir du tout? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est évident que l'époque, les différentes époques n'ont pas fait la même révérence aux mêmes idées. Et donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant, de s'intéresser à la jeunesse des idées au sens collectif du terme. Qu'est-ce qui fait qu'une idée va être retenue? Alors, il y a évidemment plein de réponses possibles. On peut penser, par exemple, à la réponse de Schopenhauer qui dira que finalement, ça s'explique par la paresse des gens. Il y a très peu de gens qui font l'effort de penser. Ça demande beaucoup d'énergie de produire une idée. Peut-être que les neurosciences auraient des choses à nous dire de ce côté-là. Donc beaucoup de gens finalement acceptent la parole de deux ou trois individus, finissent par la considérer comme digne de ce nom. Et donc finalement cette pensée se répand de proche en proche. À la fin, les gêneurs, ceux qui ne pensent pas de la même manière, vont être violemment écartés. C'est ce que décrit encore une fois Schopenhauer alors dans cet ouvrage au titre assez drôle qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison. Et donc une idée, ça se répand de proche en proche à partir de quelque chose de l'ordre de la paresse. Donc on peut peut-être l'expliquer comme ça. On peut aussi se dire qu'on n'a pas toujours eu la même conception déjà de la vérité, la même définition de l'idée et de la vérité qu'on lui accorde. Parce que c'est vrai que ce qui est sous-entendu dans cette question, c'est d'où viennent les idées vraies, d'où viennent les idées bonnes. Et ils ont les bonnes idées. Vraies, voilà. Et alors, là, je pense à une analyse. Alors, c'est un philosophe que j'aime énormément aussi. J'en aime beaucoup, des philosophes. Mais j'ai l'impression. Dans ce panthéon. Mais, en fait, Foucault écrit un texte d'une remarquable intelligence dans l'ordre du discours. Il explique que la vérité au VIe siècle avant Jésus-Christ, la vérité, c'est finalement le discours prononcé par qui de droit, il le dira comme ça. C'est le discours prononcé en tout cas par l'homme de pouvoir, par celui auquel on donne son adhésion. Et finalement, il prophétise l'avenir. Donc voilà ce que c'est la vérité, c'est l'oracle, c'est celui qui va dire ce qui va être. Mais évidemment, toute la subtilité, ça consiste à dire que en prophétisant l'avenir, on contribue évidemment à sa réalisation. Ça n'est pas du tout neutre. Donc la vérité ne se soucie pas, en tout cas d'après Foucault, au VIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque des Odes, la vérité ne se soucie pas du rapport à la référence. Et cette fascination pour la référence, c'est-à-dire la vérité comme correspondance avec quelque chose qu'on appelle réalité, cette fascination pour la référence va, pour Foucault, représenter la naissance de la philosophie. Et donc, toute la question ici, c'est comment se fait-il qu'on ait changé d'idée, qu'on ait changé de paradigme, qu'une autre idée, au sens collectif du terme, apparaisse par rapport à la vérité. Je pense que c'est, encore une fois, une idée toute simple, c'est-à-dire l'idée que il faut pas mélanger pouvoir et intelligence et savoir. Voilà. Enfin, bien sûr que le pouvoir doit être intelligent, mais il faut pas mélanger les deux. Donc le sophiste est chassé. Le mot est fort, mais c'est effectivement ce qui se joue. Le sophiste est chassé de la cité et on attend autre chose, ce qui va aussi représenter l'attente scientifique. C'est-à-dire que Foucault insistera sur l'idée que les volontés de vérité peuvent prendre des formes toujours nouvelles, mais elles se situent toujours dans cet héritage qui est celui de la référence. Voilà. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors justement, j'avais une question un peu délicate, c'est que en science, il y a plusieurs exemples bien connus de savants ou de chercheurs qui ont découvert des choses, oui, avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Ah. Je peux vous donner deux exemples. Max Planck, lorsqu'il introduit les quantas de lumière, comprend que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière sont discontinus et il n'y croit pas. Un peu avant, un mathématicien qui s'appelle Cantor avait démontré qu'il n'y a pas plus de points dans la surface d'un carré que sur le côté d'un carré, alors qu'il s'attendait au contraire, et il dit à l'un de ses maîtres, je le vois, mais je ne le crois pas. C'est-à-dire, j'ai découvert quelque chose auquel je ne crois pas. J'ai une idée, je l'ai vérifiée, et elle est contre ce que je pense. Est-ce qu'en philosophie, c'est possible? Est-ce qu'un philosophe est capable de produire des systèmes avec lesquels il n'est pas d'accord? J'ai l'impression que ça serait paradoxal. Oui, mais alors, c'est intéressant que vous suggériez ça également. Je me rappelle d'un livre d'un de mes professeurs qui s'appelait Alain Renaud et qui avait écrit un ouvrage collectif qui s'appelait Penser avec Nietzsche contre Nietzsche. Et je pense qu'on peut même dire Nietzsche, il pensait contre lui-même. Oui et non, parce qu'il dit aussi que... D'ailleurs, j'ai une belle anagramme pour vous à ce propos. Ah, j'adore. L'anagramme de penser contre soi-même. Chercher. C'était trouvé par Jacques Brissalkov et Raphaël Antoven. Comme serpenter en soi, ça vous inspire? Comme serpenter en soi, ça m'inspire évidemment quelque chose. Ah, c'est vraiment, l'image est belle. C'est dans le prolongement de ce que je vous disais par rapport à Nietzsche, qui disait que l'individu était d'emblée société. Alors, il contient ces serpents d'ADN entrelacés. La biologie le dira aussi que l'individu est d'emblée société. On est un macrocosme, on est une planète à soi tout seul. Mais du point de vue de l'infiniment petit, comme serpenter en soi, oui, ça veut simplement dire qu'il y a des tendances différentes. Et Nietzsche, c'est celui qui dit ça pense en moi, sous-entendu quelle voix va prendre le dessus, dans cette société que je suis, quelle tendance prend le dessus. Et donc, quand vous dites voilà, j'avais des idées avec lesquelles j'étais pas d'accord. Je pense que finalement, en effet, c'est peut-être assez classique, ça arrive souvent. Et c'est la raison pour laquelle il faut penser à ce tamis de la vérité dont nous parle encore Platon. C'est-à-dire, il n'est pas juste question de vérité, il est question de se dire, est-ce que cette pensée, est-ce que cette idée, elle est bonne? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est juste? Vous voyez, il faut l'articuler à des valeurs, je pense. Et donc, les pensées qu'on estime, avec lesquelles on n'est vraiment pas d'accord, je pense que c'est intéressant de se dire que les idées sont aussi là pour mener le monde, qu'elles ne sont pas juste là pour constater et qu'on peut le mener vers ce qu'on estime être le mieux. Vous le pensez vraiment? Vous pensez en philosophe que les idées mènent le monde? Je pense que les idées... Oui, je crois vraiment au pouvoir créateur de la pensée. Je pense que... Vous savez, Alain, il dit le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Je pense que quelqu'un d'optimiste va voir venir à lui des expériences qui lui ressemblent. Je pense que la pensée est créatrice en ce sens, c'est qu'elle a un pouvoir bien plus grand qu'on le pense. Je pense qu'elle peut créer des maladies, on le voit de plus en plus, quand elles sont seulement négatives. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important dont il faut prendre conscience. Vous voulez dire des mauvaises pensées peuvent rendre malade? Ah oui, je pense qu'on peut se rendre malade avec des mauvaises pensées sur le long terme. Bah, pensez par exemple, alors en ce moment, là, vous parliez tout à l'heure de ces écoles d'ingénieurs. C'est la première année où j'enseigne dans le supérieur. Et donc c'est une expérience extrêmement intéressante. Et on travaille sur Macbeth en ce moment. Et Macbeth, en gros, c'est quelqu'un d'ailleurs qui va être... Quelqu'un va lui suggérer une idée, trois sorcières vont lui suggérer une idée, vous allez devenir roi. Toute la question c'est est-ce qu'il serait devenu roi si cette idée ne lui avait pas été suggérée. Et Lady Macbeth va le pousser au crime, lui il a des scrupules, il est rempli de doutes, elle n'en a pas. Mais finalement elle va se rendre malade à partir de pensées coupables. Elle se rend compte que finalement elle ne peut pas échapper à la culpabilité malgré sa volonté surpuissante. Sa volonté très puissante, et elle va se rendre malade, elle va se rendre folle déjà. C'est vrai que chez Shakespeare, on a beaucoup cette thématique de la folie qui apparaît par à-coup, en fait, et elle va se rendre presque malade. Il y a un tableau très beau que vous pouvez voir au Louvre, un tableau peint par Henrik Füssli, qui la représente avec un médecin derrière lui, qui prend des notes, et puis une servante. Alors, il explique que c'est au-delà de sa compétence, parce qu'elle a l'air surtout folle, mais je pense que l'au-delà... l'au-delà de la souffrance, c'est la folie, et l'au-delà de la folie, c'est la maladie, enfin la maladie physique. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, ou l'idée de parler de Macbeth aux élèves ingénieurs ? Oh, je pense que Shakespeare, vous savez, il est surnommé le dieu de la littérature. Donc je me suis dit, allons vers les dieux. Non, en tout cas, ce qui m'a donné l'idée, c'est un profond amour pour Shakespeare et justement ce foisonnement d'idées. Alors, ce qui est très intéressant chez Shakespeare, c'est qu'on peut se dire que c'est toujours les mêmes idées. Par exemple, King Lear, c'est la question du pouvoir. King Lear, en gros, pour le dire très rapidement, c'est un roi qui est vieillissant. Et donc, j'ai presque envie de parler en anglais, parce que c'est court, je l'ai fait. Allez-y. Ok, so King Lear, non. King Lear is an elderly king, and he's going to split the kingdom into his three daughters. But Cordelia isn't going to talk. Non, on arrête l'anglais quand même. On va traduire. Donc en gros, King Lear est un roi vieillissant et il sépare le royaume en trois. Il veut séparer le royaume entre ses trois filles. Et Cordelia refuse de parler. Et donc c'est la question des conséquences épouvantables que cette décision va avoir. Pareil, Macbeth, c'est la question du pouvoir et des conséquences dramatiques que le pouvoir a lorsqu'il est recherché pour lui-même. Alors, si vous voulez, voilà, on peut dire que c'est toujours les mêmes idées, mais justement, elles sont traitées avec c'est un dieu de la littérature, c'est un maestro, au sens où on s'ennuie jamais, elles sont toujours traitées de façon différente, même si apparemment il avait en effet des obsessions. Et donc je pense qu'en effet, quelqu'un qui a des idées, c'est aussi quelqu'un qui a des obsessions. Justine Barbier, nous arrivons au terme de cette émission. Mm-hmm. On l'a commencé en disant qu'à la fin, on saurait mieux ce que c'est qu'une idée. On doit tenir notre engagement. Est-ce que vous avez une définition maintenant de ce qu'est une idée ? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire pour pouvoir l'approcher ? Alors, tellement de choses à dire, mais on peut résumer évidemment. On peut dire qu'une idée, c'est jouissif, c'est vivant. Vivant, je pense que c'est important de retenir ça. Il y a une vie des idées, une vie collective. Une idée, c'est inconscient et on peut en prendre conscience. En tout cas, ça source dans l'inconscient. Une idée, ça suppose beaucoup d'efforts et beaucoup d'abandon. Et puis une idée, je vais à nouveau citer pour la quatrième fois Hannah Arendt. Une idée, c'est le courage de prolonger une naissance, peut-être. Merci Justine Barbier d'être venue à la conversation Merci scientifique. Beaucoup. C'était un parler vrai des idées. C'était la conversation scientifique, donc, par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la réalisation François Connac et à la technique Jean-Louis Deloncle. suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.